moi j'en ai pas pour toi, mais pour moi et ceux qui m'écoutent, on floque les jaloux. Ça y'a pas de doute, même les 6 bits sont compatibles, appuyés se répite. Moi ma rage, je la retranscris au volant d'un bolide où sort ce beat. C'est la haine qui m'a pris, tu me verras pas souvent avec un logo sans les habits. Car les gros franchises cousins, ils nous l'ont trop mis. Fuck les Howard et leur remise, on fait ça indépendamment depuis la banquise. Cousins, je le répète, car ils nous l'ont promis. Mon rap se trouve pas en lice, car les maisons de disques, elles ont mis du savon sur les pistes. Pour le moment, je m'en fous d'avoir le ventre vite, si je fais les choses bien, tu te retrouveras ébloui par la carrosserie de la Lamborghini. Obligé de mettre des sunglasses, vite ton Louis. J'ai le flow qui se faufile comme un piton de la mythologie. J'ai un putain de flow dans le futur qui sera anthologique. Y'a pas de thème, mais c'est pas pour autant que j'appellerai ça de Lego Trip. J'invite à télécharger l'album des Ribat Trip. Ne deviens pas addict à mes sons, tu peux faire un bad trip. Le soir, quand y'a rien à faire, je loue un Gamos pour un roi trip. On passe la frontière direction la Hollande ou la Belgique, où on te ramènera un peu de shit. Ma cape sont nos putains de train de vie. Sous mon matage, j'ai un meilleur taux d'intérêt sur ton livret A. Ça peut générer la jalousie. Les rappeurs parlent de Uzi bien plus que les vendeurs d'art parlent de rap. Sale pute, tu suces des bites et tu veux venir me faire la bise. Je suis violent mais je suis pas là pour te plaire. Je mène ma vie, parler sur toi, j'ai pas que ça à faire. Ce son c'est une tuerie, je dirais pas que je suis autant pas l'or. Imagine l'impact de balle lyrical tellement je suis bestial. Les schmids veulent me mettre en museau. Hier, chez nous on n'a pas fait l'armée car c'était déjà la guerre. 10 coups de couteau dans le dos, on m'a lâchement infligé dans la street. Plus tu fais du bruit et moins on t'entendra respirer. Retiens bien ce glace LCC, je t'avoue que c'est pas les faits divers qui m'ont inspiré, je te le répète, ferme ta gueule ou on t'entendra plus respirer. Moi quand y'a rien à faire, j'hésite pas à me tirer. Plutôt que de rester là, à regarder les autres changer. Et les bâtiments poussés et la merde s'éparpiller dans tous les quartiers. Je donnerai pas un centime à l'état tant qu'il nous rendra pas ce qu'il nous doit. Après il s'étonne qu'on donne du boulot à leur douane et que le pays va mal. J'ai d'inspiration, j'ai la dalle. Je crois que je vais grailler toutes les autres pédales qui sur YouTube font que parler, parler. Ils font pas de beat mais que du buzz. Ils sont aussi concrets que Vendetta et ils veulent faire un coup d'état. Chez moi ça se vend au litron ou ça se coupe au détail. T'as pas d'argent alors détale. Ici y'a que des chats. Cal, tu te souviens de mes sons de ma là dans compagnie d'Akan sans prétention. 3 ans après je pense que je m'approche du sommet. Quand je vois pas le soleil c'est que la soirée. La veille a été dure et que j'ai sommeil. J'espère juste que les condés vont pas encore me virer de mon sommier. Ces fils de pute, ils pourraient sonner plutôt que de tout saccager. Nous on cherche jusqu'à s'en sortir, faire un peu d'argent. La retraite, il faut bien l'amortir. J'rappe sur du Miami Bass car au feu, ça fait vibrer les 38 dans les grosses caisses. Voilà ta punchline, white shot. J'marrache en CR, casque intégral. Moi j'en ai pour toi, mais pour moi et ceux qui m'écoutent, on floque les chaloux. Ça y'a pas de doute, même les 6 bits se compatient. Appuie sur repeat, moi ma rage, je la retranscris. Au volant d'un bolide ou sur ce beat. J'ai la haine qui m'habille. Tu me verras pas souvent avec un logo sans les habits. Car les gros franchises cousins ils nous l'ont trop mis. Fuck les Howard et leur remise. On fait ça indépendamment depuis la banquise. Cousins je le répète car ils nous l'ont promis.